Chez Dolbo Auto, venez célébrer les 100 ans de camions Chevrolet avec le Silverado 1500 2018 à cabine double à 176 $ aux deux semaines au taux de 1,5% ou le Colorado 2018 à cabine multiplace et à caisse courte à 183 $ aux deux semaines ou 1,9% au taux de location pendant 48 mois. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg, au numéro de téléphone 418-276-0580. Monsieur Stéphane Fortin et tout son personnel souhaitent un bon festival du Bleuin à toute la population de Dolbeau-Mistassini et invite les gens à participer du même coup à ce grand festival. Et félicitations aux organisateurs. Le propriétaire du magasin Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini, Monsieur Ken Bennett, aimerait souhaiter à toute la population de Dolbeau-Mistassini et des alentours un bon festival du Bleuin et félicite les nombreux bénévoles qui rendent possible l'événement. Monsieur Bennett vous rappelle que le magasin Canadian Tire est le meilleur endroit pour les articles de piscine et autres marchandises estivales. Surveillez nos prochaines circulaires pour les nombreux spéciaux de la rentrée. Canadian Tire, 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. On va parler avec Alexandre Lallemand qui est habituellement un chef de mission, mais là je pense qu'avec son nouveau rôle de responsable du hockey régional, certainement qu'il a délaissé ça, mais il a dû y aller comme bénévole. Quoi qu'il en soit, c'est lui qui a fait le reportage jusqu'à la fin des Jeux du Québec. Salut Alexandre! Salut, ça va bien? Oui. Ça va bien, ça va bien. Je suis à la communication là, pour les Jeux du Québec, là, pour la délégation régionale. OK, OK. Donc, Alexandre, on va y aller maintenant. Hier, c'était le changement de bloc, donc c'était tranquille. Il y a eu une défaite au soccer, par contre, des filles et des gars. Oui, tout à fait. Là. Hier, là, l'équipe masculine a perdu 6-0 contre l'Estrie. Puis l'équipe féminine a perdu contre le Centre du Québec. C'est dommage, surtout dans le cas du soccer féminin. C'est que comme il y a eu le désistement de la Côte-Nord, c'est-à-dire que le prochain match des filles va être uniquement là, samedi. Okay. Ça fait quand même un gros trou, là, puis un gros laps que les filles n'auront pas joué. Mais là, on regarde présentement là, avec le comité organisateur qu'est-ce qu'on va faire pour ça. Mais effectivement, là, les filles c'était serré, là, ils ont pris les 2-0, mais finalement, ils se sont fait rattraper. Parce que du côté masculin, peut-être un peu de fatigue, là, tu sais... On arrive de 3 heures d'autobus, puis faut jouer un match de soccer. Puis c'est même 4 heures d'autobus, puis il faut faire un match de soccer. C'est pas évident là, le premier jour, mais les jeunes ont vraiment travaillé fort jusqu'à la fin, mais force d'admettre là, que le résultat n'a pas été au rendez-vous là. C'est qui hein, qui représente? Comment que vous avez fait pour former l'équipe? C'est-tu un comité qui s'est fait avec l'ARS? Comment ça s'est passé? En fait, là, c'est vraiment là à la base, là, les fédérations sportives québécoises donnent des balises sur l'âge des jeunes, les exigences, tout ça. Puis c'est vraiment l'association régionale là, de chacun des sports qui ont à faire la constitution des équipes, autant d'un sport collectif que des sélections d'athlètes au niveau des sports individuels. OK, donc c'est ça. Maintenant, c'est tranquille du côté des médailles, mais est-ce que ça se replace, donc... Aujourd'hui, là, pour l'instant, on a une confirmation d'une médaille. Okay. La cycliste Maxime Lapointe qui a gagné la médaille d'argent au contre-la-montre. Okay. Ce matin. Puis, on a 3 athlètes en natation qui vont faire des finales à 17h. Okay. On a Benjamin Gagné au 200 mètres brasse. On a Mathieu Wallet au 50 mètres style libre. Puis, Alison Gobeil au 50 mètres paranatation. Qui vont compétitionner là, pour des finales là, après 17h. OK. Est-ce qu'on a des chances de médaille là-dessus ou bien? Ben écoutez, là, c'est sûr qu'en natation, au début du bloc, on espérait peut-être aller en chercher quelques-unes. Là. Si on se rappelle, on a eu déjà des beaux succès dans le passé. Mmh. Donc, on a des athlètes qui vont compétitionner pour les médailles. Là, on va voir. Comme je vous dis, on a 3 athlètes en finale. On se croise les doigts. Là. C'est sûr que vous l'avez vu là, au premier bloc. Terminé avec 10 médailles, on était peut-être moins habitués un petit peu là, par le passé, mais il faut comprendre que les nouvelles règles au niveau là, de la participation des Jeux du Québec, c'est vraiment un tremplin. Là. C'est comme on l'a expliqué peut-être dans le passé, là, c'est vraiment un processus qui amène vers les Jeux du Canada. Donc, c'est vraiment les athlètes qui ont des standards qui doivent participer aux Jeux. Fait que ça a changé, là, entre autres en athlétisme, on a changé, comme il n'y a plus de catégorie cadette. Donc, ça a amené comme impact que que nos athlètes plus jeunes compétition sont des athlètes juvéniles, donc c'est plus difficile un petit peu. OK. Dis-moi, Alexandre, du côté du sauvetage sportif, on était bons les années que c'était aux Jeux du Québec. Est-ce que oui. ça commence ou... En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, effectivement, en 2014, on a gagné beaucoup de médailles, là, près d'une trentaine en sauvetage sportif. C'était le seul moment où la Fédération du sauvetage sportif s'est qualifiée pour les Jeux. Ouais. Pour donner un peu une idée à vos auditeurs, là, je vais faire un parallèle avec les sports olympiques là, qu'on voit à la télé. Ce qui arrive, c'est que les fédérations sportives, avec le ministère et Sports Québec, ont des grilles de performance. T'as combien d'athlètes dans la région, combien d'athlètes dans la province, garçons, filles, ton plan de développement. Fait que ça donne des points. Fait qu'à chaque année, il y a des sports qui se qualifient pour les Jeux. Okay. Puis t'as des sports qui sont en attente. Souvent, on dirait que c'est des sports de démonstration. Comme aux Olympiques, il y a des sports de démonstration des fois. Donc, c'est le même principe. Il y a des sports de démonstration aux Jeux. Puis des fois, il y a des Jeux, des sports qui se qualifient. En 2014, effectivement, le sauvetage sportif était un sport officiel. Et là, après 2014, il n'a pas complété les standards pour être un sport reconnu. Donc, il est retourné en démonstration. Donc, au choix du comité organisateur de le présenter ou non. Ouais, OK. Dis-moi, t'es à Tetford Mines, les gens participent-tu aux activités? Est-ce qu'il y a beaucoup de monde? Je parle de Tetford. Oui, tout à fait, là. Oui, de jeunes des municipalités, oui, j'arrive justement là du volleyball de plage, puis il y a quand même plusieurs personnes là, qui portent pas de vêtements apparentés de délégation, donc qui sont des spectateurs. On en voit beaucoup sur les sites, et puis l'autre aspect aussi qu'on remarque beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de bénévoles. Ouais. Aux Jeux, un peu comme à Alma. Quand les Jeux ne sont pas dans des grands salles, c'est plus attractif, tu sais, des Jeux de plus petites municipalités. On dirait que la cible des gens est plus interpellée pour s'impliquer que, exemple, lorsqu'on est à Montréal ou à Québec. Plutôt dans l'océan. Là. Fait que, on sent là, qu'on a beaucoup là, de gens qui sont intéressés là, à participer puis à venir donner du temps comme bénévole là, dans les différents postes. Là. Fait qu'on sent là, que les gens ont vraiment touché là, les jeunes de la région. OK. Ben, Alexandre, on se reparle demain? Avec plaisir, donc je te souhaite une belle soirée. OK, Alexandre Lallemand, qui est là-bas comme agent de communication pour les Jeux du Québec. Une médaille aujourd'hui confirmée.